Car il y a un problème qui existe, c'est que beaucoup de femmes, en fait, ne réalisent pas leur statut par rapport à leur époux et se voient égales à leur époux. En fait. Et quand tu te vois égal à ton époux, ben, il est certain que tu ne vas pas lui donner le droit qu'il mérite. Tu vas te croire comme lui. Te permettre de lui répondre, de lui rétorquer, de contester, de lui faire plein de reproches, de faire plein de plaintes. D'ailleurs, comme on l'avait dit au début du livre, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est parti rendre visite à son fils Ismaïl alayhi salam, qui n'était pas là, et que c'est sa première épouse qui a accueilli Ibrahim, lorsqu'il Ibrahim l'a interrogé au sujet de leur mode de vie, elle s'est plainte. On vit dans la difficulté, on a très peu à manger, ainsi de suite. Il a dit quoi, Ibrahim ? Il a dit à Zoujouki, Fabaliri laoul salam, Wakouli laou, Yurayir atababi. Si jamais ton époux y revient, passe le salam de ma part et dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. Et lorsqu'Ismaïl est revenu, il a demandé à son épouse, elle lui a dit un homme est venu de telle et telle façon. Et Ismaïl a dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Elle dit, il m'a dit, il m'a interrogé au sujet de notre vie, je lui ai expliqué les difficultés que nous rencontrons dans notre mode de vie. Et après Ismaïl a dit, il t'a dit quoi d'autre encore ? Et elle a dit, il m'a dit de changer le seuil de ta porte. Ismaïl l'a dit, c'était mon père. Et il m'a dit de te divorcer. Et le ulama explique pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'une femme qui se plaint beaucoup va fatiguer son époux. Elle sera très dure à vivre par la suite. Et on parle de plainte sur des choses qui demandent patience. Et ça, malheureusement, beaucoup de femmes, tu vas aller voir Mathalène reconnaître le droit de l'époux avec la langue, de dire « moi, je ne lève pas ma voix sur mon époux », ainsi de suite, mais elle ne cesse de se plaindre de lui, de lui faire des reproches, de l'accabler de paroles peu agréables. Est-ce qu'il s'ensuit ? Donc ça amène à quoi ? Ça amène à ce que la poitrine de l'époux, elle se serre. Ça n'amène pas à la joie, ça n'amène pas à l'harmonie. D'accord ? Donc ce comportement-là, il n'est pas agréé en islam. Ce n'est pas un comportement agréé en islam. La femme doit faire preuve de patience envers son époux. Et remercier Allah Azawajal pour le bienfait qu'il lui a accordé un époux. Après, bien sûr, personne n'est parfait. L'époux, il a des défauts. S'il y avait des choses à rectifier, on peut le rectifier. Mais ce n'est pas en accablant la personne et ce n'est pas en insistant tout le temps, en faisant tout le temps des reproches que ça va avancer. Il y a des choses à savoir, se résigner, accepter. Et souvent, des fois, avec le temps, ça s'arrange, avec les doigts, ainsi de suite. Mais tout le temps dire à la personne, si tu fais pas ça, ça va pas marcher. Si tu fais pas ça, je vais pas tolérer. Si tu fais pas ça, cela. Là, c'est sûr que l'époux, il va pas accepter. Donc, faut faire preuve de hikmah, de sagesse. Et des fois, laisser passer avec le temps, ça va venir. Et même si ça vient pas, tant que c'est pas des choses qui amènent vraiment à tomber dans le haram ou quoi, faut patienter. Faut patienter. L'homme n'est pas parfait, tout comme la femme ne l'est pas. Mais une femme qui se plaint trop, c'est une très mauvaise caractéristique qui va amener à ce que la vie de couple sera difficile par rapport à cela. Car ça indique un manque de patience, malheureusement. Aussi, on avait expliqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Khayr al-Nisa, c'est qui les meilleures des femmes ?»« Allati, iza nazarta ilayha, asaratka. Wa iza amartaha, ata'atka. » Il a dit, c'est la femme, lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Ça veut dire, elle est plaisante à tes yeux. Et lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Ce sont ceux-là les meilleurs des femmes. Donc ça revient au hadith précédent. C'est-à-dire, c'est la meilleure des femmes. C'est pas ça qu'elle court par cœur, forcément, ou qui suit plein de durous, ou ce qui s'ensuit. Ça, c'est bien, mashallah. Mais s'il n'y a pas le suivi derrière dans le comportement avec le zouj, ça sera un argument contre elle. Et des fois, on va dire à des gens, quand des gens, souvent les frères, qui veulent se marier à des femmes, on va leur dire, avec l'expérience et les témoignages que l'on voit, beaucoup de choses, on te dira, je te conseillerais plus une débutante qui désire apprendre sincèrement et qui va t'écouter, te suivre, plutôt qu'une confirmée qui croit connaître. Parce que celle qui croit connaître, elle va tout le temps polémiquer avec toi. Tout le temps, elle va polémiquer avec toi. Parce qu'elle croit connaître. Et donc, ça va mener quoi ? À des conflits encore. Et des conflits, et des conflits, et des conflits. Et ça va pas rendre la vie de couple agréable. La femme qui demande le divorce sans raison. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tahilu limra'atin antasal at-talaq li ghayri ma ba's, qui n'est pas permis à la femme de demander le divorce sans raison valable. Ou plutôt, ay mra'atin salat at-talaq bi ghayri ma ba's, lam tarih rahat al-jannah. Tu peux ça le lore du hadith. Toute femme qui demande le divorce sans raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du jannah. فمن هذا الوعيد العلماء جعلوا هذا من الكبائر. Que la menace qui plane dans ce hadith montre que cet acte-là est parmi les grands péchés. Car elle ne sentira pas l'odeur du jannah. Après, c'est pas du kouf, c'est qu'elle ne sentira pas du fait que c'est une menace pour elle, ou alors le fait qu'elle ne sentira pas avec les premiers, c'est-à-dire qu'elle n'entrera pas avec les premiers au jannah. Après, talaq peut être demandé pour des raisons valables. Peut-être même parfois, ce talaq doit être obligatoire. Elle doit demander de se séparer de cet homme. Cet homme-là est vraiment, par exemple, il a apostasié, ou il tombe dans des grandes perversités, ou il a forniqué, mathalène, ou il fait des choses gravissimes. Oui, on va pas lui dire de rester avec lui. Mais maintenant, ce sont des choses sur lesquelles elle peut patienter. Des choses qui ne sont pas nuisibles en soi. Des choses qui sont liées au titre du personnel. Ainsi de suite. Ça, non, elle n'a pas le droit. Mathalène, il est permis à la femme de demander le khula. C'est elle qui demande la séparation à son époux, en échange qu'elle lui rende son mahar. Et de là, la séparation, elle est effective aussitôt, sur le champ, immédiatement, ils ne sont plus mariés. Ça, c'est le droit que la femme, elle a, de demander le khul. Cependant, les ulama, ils disent que le khul n'est légitime que dans certaines conditions. Dans le cas où ce mariage deviendrait, par exemple, illicite. Ou que la vie avec cet homme deviendrait insupportable pour elle. Par exemple, c'est un homme qui est trop violent. C'est un homme, à cause de lui, elle tombe dans trop de péchés, dans trop de transgressions. Il y a trop de mal à rester avec lui. D'accord ? Ou alors, un homme qu'elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas. Au tel point qu'elle ne peut pas lui rendre son droit. Comme ce fut le cas de cette Zahabiyyat qui a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam le khul, car elle disait je ne reproche rien à mon époux comme comportement et religion, mais akrah al-kufr ba'd al-islam. Je dis je ne lui reproche rien, mais je crains de ne devenir ingrate. C'est-à-dire du fait que tant cet homme lui déplaisait physiquement, elle ne pouvait pas rester avec lui, n'aurait pas pu lui obéir. C'était concret. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de lui rendre son mahar, et le khul a été effectif. Donc vous allez voir que souvent, les femmes qui vont demander le khul, elles vont souvent dire cela. Ça va être souvent la illa qu'elles vont utiliser, qu'elles vont dire, oui mais je ne l'aime pas, donc ce qui fait que comme je ne l'aime pas, je ne voudrais pas, je ne pourrais pas lui obéir, j'aurais du mal. S'il m'appelle pour avoir des rapports, j'ai pas envie de lui, il m'énerve, il m'insupporte, ou ceci et cela. On dit d'accord, premier abord, cela est accordable. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si vraiment cette cause, elle était comme la femme à la cité? Ça apparaît par la suite. À quel moment, comme c'est le cas de beaucoup de femmes, qui en réalité demandent le khul, parce qu'elles ont été vexées, elles ont été contrariées, elles ont été attristées, donc elles ont fait dominer leurs émotions sur leur raison à ce moment-là, et elles se sont dit, je ne vais pas supporter la vie avec lui, ou je ne veux plus de lui, ou je ne le tolère plus, ainsi de suite. Elles demandent le khul. Et vous allez voir que peu de temps après, elles regrettent. On reçoit souvent même des questions comme ça, des mails, des femmes qui demandent le khul, et qu'après, elles regrettent. Et elles veulent retourner avec leur époux, est-ce qu'elles ont le droit de retourner avec lui? On dit oui, tu as le droit de retourner avec lui, s'il accepte, et ils vont faire un nouveau akd, comme si vous vous mariez à nouveau. Ça veut dire qu'il leur donne un mahr, qu'il faut le wali, ainsi de suite. Ils ont le droit de se remettre ensemble. Donc le fait que tu regrettes par la suite, ça prouve bien qu'en réalité, il t'était supportable, c'est juste que tu as demandé le rôle pour, de façon émotionnelle, et non pas pour des raisons religieuses légitimes. Et c'est, dans la plupart des cas, c'est ça qui se passe. C'est souvent un moment de colère, un moment d'émotion, elle demande le khul. Après une dispute, après un conflit ou quoi, elle demande le khul. Alors qu'en réalité, ces moments-là, il faut les passer. Combien de fois l'homme est encore là avec son époux, avec son épouse? Il ne demande pas le talaq, parce qu'il sait qu'il y a des conséquences derrière, ça va loin. Donc il réfléchit, il ne se précipite pas. Bon, il y en a, il se précipite, c'est vrai. D'accord, t'en as. Mais on parle de base chez l'homme. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le regret. Et ce regret est une preuve que ce khul a été demandé de façon illégitime, et donc on craint pour ces femmes de ne rentrer dans ce hadith. Et qui plus est, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Murtali'at hunna al-Munafiqat ». Il l'a dit, les Murtali'at, ce sont ceux qui demandent le khul, ce sont elles les hypocrites. Ce sont elles les hypocrites. Et des ulama ont expliqué parce qu'elle fait apparaître l'obéissance à Allah par le khul, de faire les choses légiférées, alors qu'au fond d'elle, elle cache la désobéissance. En fait, elles demandent le khul pour des raisons illégitimes. Donc, elles ont été qualifiées comme étant des hypocrites. Donc, toute sœur qui en est arrivé à demander le divorce à son mari, ou le khoul, et cela s'est vraiment produit, et que par la suite, il y a eu du regret, vraiment, qu'elle sache que sa raison n'était pas valable. Qu'elle sache que sa raison n'était pas valable. Donc après, on peut chercher de se justifier par plein de choses. Hein. On ne peut pas se mentir à soi-même. Et encore moins, il y a le qiyama devant Allah Azzawajal. Donc il est tout à fait normal que des couples se disputent, que peut-être même pendant un moment, la femme n'a pas trouvé assez la parole à son époux. Cela est meilleur, plutôt qu'elle demande le rôle, elle se précipite. Pour en plus ne laisser la place qu'au regret. Il y a aussi dans, on va dire, dans la façon de parler. La façon de parler, car en fait, souvent, dans ces moments-là, tu as des femmes qui, comme je l'expliquais, se voient à un niveau plus haut que celui qu'Allah leur a accordé, donc peut-être presque même égal à leur époux. C'est pour cela qu'elles se permettent d'avoir des contestations à tout va, des protestations à tout va, des réclamations à tout va, et ainsi de suite. Et n'ont pas la modestie d'apprendre à garder le silence. Cette langue cause beaucoup de dégâts. كما قالت امرأة سعيد بن مسيب قالت كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلموا أمراءكم. Nous ne parlions à nos époux que comme vous parlez à vos gouverneurs. À vos gouverneurs. Est-ce que tu vas polémiquer avec un gouverneur? Est-ce que tu vas tout le temps répondre à un gouverneur quand il te parle? Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Là. Les femmes des salafs étaient comme ça. S'ils avaient vraiment une chose à dire, elles le disaient. Mais elles n'étaient pas accablantes. Et il n'a pas été rapporté d'elles qu'elles étaient insistantes. Et au pire des cas, elles faisaient intervenir leur wali ou une tierce personne pour tenter de trancher. Si vraiment il y avait un abus de pouvoir et que cela allait trop loin pour elles. Mais le problème, c'est qu'il y a des femmes, elles ont trop d'estime d'elles-mêmes en fait. Vous comprenez? Dans le sens où elles mettent une pression à l'époux comme si c'était elle l'homme. Genre, c'est presque elle qui menace l'homme de divorce, subhanallah. Ça, c'est une chose qui est incroyable. Alors qu'à la base, le demander le divorce lui est interdit. Et tu la vois demander le divorce ou menacer. Si tu fais pas ça, s'il n'y a pas ça, c'est pas comme ça, ça ne marchera pas, je resterai pas avec toi, et ainsi de suite. Alors qu'à la base, c'est l'homme qui doit, c'est elle qui doit avoir peur que son mari la divorce. Vous savez, chez les anciennes générations, regardez bien les générations de vos parents, de vos grands-parents, dans les pays d'Islam, je parle. Hein. Wallahi, vous allez voir très très peu de divorces. Car pour eux, pour la femme, être divorcée, c'était une honte et une marque d'échec qu'elle n'était pas capable de s'occuper d'un homme. Bon, des fois c'était abusif, à tel point que même l'homme, lorsqu'il était vraiment allé trop loin, restait quand même avec lui. Mais regardez bien, pour elle, demander le divorce, c'était une honte. C'était une honte. Que son mari dise « je veux te talaq », pour elle, c'était une... elles avaient peur de retourner auprès de leurs parents, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, les femmes, elles se disent indépendantes, elles ont leur vie, leur petit appartement et tout, elles s'en fichent. Avant, c'était pas comme ça. C'était une vie islamique, la femme vivait chez ses wali. Alors, lorsque le mari te divorce, tu retournes chez papa et maman. Et quand t'arrives, t'as un enfant, t'as 25 ans, t'as 30 ans, t'as 35 ans, tu retournes chez papa, chez maman, crois-moi bien que ça fait mal au nefs. Là, aujourd'hui, vu les libertés qu'ils ont été accordées, la femme voit plus la chose pareille. Mais regardez bien les anciennes générations, chez les Marocaines, chez les Algériennes, ainsi de suite, elles ne demandaient pas le divorce. Le divorce, c'était vraiment pour eux une chose qui était... Wallah, c'était azim qu'un homme divorce une femme. C'est vraiment, ça veut dire qu'elle était... voilà. Après, on ne dit pas que c'est une chose qu'on approuve dans l'absolu. Non, il y a des fois, le divorce, faux. Par exemple, il ne fait pas la salate, ou il fait des grands péchés à tout va, à outrance, ainsi de suite. Non. Mais sinon, c'est vraiment un dernier recours. Et qui plus est quand il y a des enfants. Par contre, lorsqu'on divorce et qu'il y a des enfants, ce sont les enfants qui trinquent par la suite. Et très souvent, les femmes qui provoquent un divorce avec leur époux, elles ont des enfants, elles ne patientent pas avec leur époux, on voit souvent les enfants mal finir par la suite. Car le père n'est plus là, la femme elle est seule, livrée à elle-même, et elle n'a pas la force d'affronter tout ce que l'enfant pourra faire. Et tu vois l'enfant qui grandit, malheureusement qui prend un très mauvais tournant. Dans beaucoup de cas, on le voit, je l'ai vu ici au Yémen, je l'entends au Maroc, on l'entend en France, on l'entend dans plein de situations. C'est une réalité. C'est une réalité. Et aussi, on dit aux sœurs, attention, attention à la précipitation dans la demande de divorce. Surtout les femmes qui demandent le divorce très très vite. Une semaine de mariage est passée, un mois, tout de suite divorce. Dispute, divorce. Ainsi de suite. Et ça récidive. Souvent, les femmes qui sont restées seules, d'accord, et qui ont un certain âge, vous allez voir, le divorce est très rapide. Elles n'ont pas eu de beaucoup de vie de couple avec un homme, parce qu'elles demandent le divorce trop vite, elles se précipitent trop. Et ben, par la suite, on craint pour elles de ne rester avec aucun homme. Même demain, on ramène le meilleur des hommes, comme elles sont habituées à ne pas pouvoir supporter ce qu'elles ne tolèrent pas, et ben, elles vont demander le divorce. Malheureusement. Et après, au final, c'est qui? Ben, ce sont elles qui se retrouvent seules, malheureusement, les masakin. Donc, on leur dit, on fait le nasiha. D'accord? Soyez patiente. S'il y a un mal, un mal à blâmer, faites-le, mais bilati yahsan. Bilati yahsan avec hikmah. Et patientez énormément. Il se peut qu'avec le temps, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Et quand même, elles ne s'arrangent pas, croyez-moi que retourner au célibat sera pire que certains défauts que vous n'avez pas accepté de vos époux. En réalité. Elles se disent, au final, en réalité, ces défauts que je vivais avec mon époux, d'accord? Sans compter les qualités qu'il avait avec, c'était meilleur que le célibat que j'ai aujourd'hui, actuellement. Donc, bien réfléchir aux contre-conséquences des paroles que l'on prononce. Voilà le musta'an.